Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Jean Duceppe, figure de proue de la culture populaire au Québec. Moi, mon but au théâtre, c'est d'atteindre du monde. Si je peux avoir donné à un homme, à une femme, 5 minutes de rire ou 5 minutes d'émotion vraie d'une soirée, qui oublie son patron, sa belle-mère, son beau-père, ses problèmes, j'ai fait mon travail de comédien. À mesure que les jours passent, une évidence s'impose de plus en plus dans nos esprits. Le Québec est notre seul pays. En écoutant ces deux courts extraits, un extrait d'entrevue de Jean Duceppe en 1977, puis l'extrait d'un discours qu'il prononce le 24 juin 1990, quelques jours seulement après la mort de l'accord du Lac-Meech, on comprend en quelques secondes seulement à qui on a affaire. Jean Duceppe, l'homme de théâtre, mais aussi le citoyen engagé et fier militant de l'indépendance du Québec. Jean Duceppe était un homme de passion et il reste aujourd'hui encore probablement l'un des artistes québécois qui a été le plus apprécié de son temps. Je pense, Michel, que c'est tout le Québec qui est en deuil parce que le public de Jean Duceppe, c'était effectivement tout le Québec. Une identification extraordinaire entre un public et un comédien, étant donné tout ce qui était Duceppe. C'est un homme qui aura marqué par tout ce qu'il était, qui aura marqué par les rôles qu'il a joués, des rôles qu'on a créés spécifiquement, faits sur mesure pour lui. Je pense à tous ces textes merveilleux de Marcel Dubé, Gracien Gélinas, Françoise Loranger, Mia Ridaise et autres. C'est un homme qui incarnait des victimes, mais il a fait de ses victimes des héros. Certains diront que ce sont des anti-héros, mais c'était quand même des héros, c'est-à-dire des gens que seule la conscience et la détermination pouvaient grandir. Et ces gens-là, Duceppe les jouait admirablement, et voilà pourquoi sans doute une bonne partie du Québec s'est identifiée à lui. Un homme aussi qui est un Québécois convaincu, même militant, un nationaliste militant, mais qui nous a fait découvrir ici une grande partie du théâtre américain, entre autres. Oui, tout à fait, parce que Jean Duceppe considérait que d'abord, il ne devait pas y avoir de distance entre l'artiste et son public. Il croyait beaucoup dans le théâtre contemporain. Il a investi énormément dans le théâtre québécois. Pas québécois parce que c'était québécois, mais parce qu'il y trouvait de la valeur. Et il trouvait que le théâtre américain était beaucoup plus près de nous que certaines œuvres européennes ou françaises, par exemple. Sa compagnie, il l'a créée parce qu'il a voulu donner au public un théâtre véritablement populaire. Jean Duceppe a aussi, et on est en région, c'est important d'en parler, a aussi été un homme qui a tenu à ce que le théâtre soit décentralisé, que les œuvres qui étaient produites à Montréal s'en aillent en tournée. C'est un de ceux qui ont le plus fait de tournées au Québec avec les tournées Molson d'abord, et ensuite en donnant à sa compagnie la vocation également de théâtre de tournée. Le président de l'Union des artistes, Serge Turgeon, au micro de Michel Lacombe, le jour du décès de Jean Duceppe, le 7 décembre 1990. Ce jour-là, l'émission Le Midi 10 est diffusée de Sherbrooke, en marge des travaux de la commission Bélanger-Campeau sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, pour nous parler de ce géant de la culture populaire québécoise qu'a été Jean Duceppe. Je reçois Alexandre Cadieux, ancien critique de théâtre au Devoir, maintenant chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On en a une petite idée avec ce que vient de dire Serge Turgeon, mais revenons là-dessus, ce qu'il représente, ce qu'il a représenté, cet homme-là, Jean Duceppe, pour le public québécois. Pourquoi a-t-il tant été aimé du public québécois? Je pense que Duceppe a incarné un certain type de Québécois, de héros québécois, comme Turgeon le dit. Il arrive à un moment où on est encore déchiré entre une culture française et une culture américaine. Et c'est un acteur, on va souvent dire qu'il a pu faire de ses défauts des qualités. Ouais. C'est-à-dire que Duceppe, c'était un sanguin, c'était un nerveux. Sa diction n'était pas excellente, il n'avait pas de formation. À l'époque où il commence, tout ça est vu comme des défauts. C'est-à-dire que le Théâtre du Nouveau Monde, par exemple, incarne des acteurs de tradition un peu plus européenne, très en contrôle, très à l'aise dans les classiques, tout ça. Et Duceppe, c'est pas sa tasse de thé, il n'y arrive pas, mais il est là au moment où la culture québécoise, la dramaturgie québécoise, la télévision proprement québécoise éclos. Et il est là, il est aux premières lignes pour justement incarner des personnages qui s'expriment comme ça, qui incarnent des idéaux qui sont plus proches des gens d'ici. Au fond, les gens se reconnaissent en lui. Il incarne le Québec de l'époque. Beaucoup plus. Plutôt que la grande culture à laquelle certains cercles étaient habitués. Ben, Moi, je le compare souvent à Jean-Louis Roux, par exemple, qui est son contemporain, qui était son ami, qui est né la même année que lui, mais déjà dans un milieu un peu plus aisé. Son père était de profession libérale, qui a une éducation plus avancée. Alors que Duceppe restait plus proche du peuple, et si au départ ça lui nuit, ben finalement, ça lui a servi. Comment le définir, cet homme-là? Parce que c'est un de ces hommes qui est vraiment un touche-à-tout, homme de théâtre, vedette à la télévision, homme de radio, entrepreneur, syndicaliste, militant pour, donc homme engagé politiquement pour la souveraineté. Pour vous, Alexandre Cadieux, qu'est-ce qui le définit le mieux? Ben moi, je viens du théâtre. C'est sûr que je vais parler de théâtre. Puis lui-même s'est beaucoup construit là-dedans. Même à un certain moment, il disait, si je fais de la télévision, c'est pour assurer des cachets pour pouvoir faire du théâtre, prendre plus de risques avec le théâtre, par exemple. Donc, c'est sûr que, pour moi, c'est ça qui... D'abord et avant tout, un homme de théâtre. D'abord et avant tout. Puis je pense qu'on s'en souvient comme ça, mais aussi parce que ce qui nous reste beaucoup de lui, c'est la compagnie. Oui. Donc, c'est la compagnie qui porte son nom. Et donc, qui continue de donner pignon sur rue au nom du CEP. Qui est son legs principal, au fond. Oui. Le plus tangible, en tout cas. Voilà. Ouais. Mais touche à tout, travailleur infatigable, c'est quelqu'un qui dormait très peu. C'est quelqu'un qui jouait au théâtre à Québec et qui revenait après chaque représentation à Montréal pour faire de la radio, puis qui retournait à Québec dans la journée. C'est ce genre de vie de fou aussi. Ouais. Vie de fou. En fait, il n'y a rien de banal chez Jean Duceppe, et ça commence très tôt. Son enfance, déjà, n'est pas du tout banale. Ben, c'est assez fascinant. Donc, Duceppe est le plus jeune enfant d'un couple qui ne sont pas des Duceppe, qui sont des Hottes. Et il est le 18e enfant d'un couple. Donc, à sa naissance, ses parents sont déjà assez âgés. Rapidement, sa mère meurt. Il va être élevé par sa sœur aînée, qui a 20 ans de plus que lui, et dont le mari s'appelle Rosaire Duceppe. Et c'est lui qui lui donne ce nom de Duceppe, qui est assez rare quand même au Québec. Et autant lui que ses enfants portent officiellement le nom de Hotte Duceppe, même s'ils ne l'utilisent pas. Donc, il naît ici à Montréal, famille relativement ouvrière, donc classe populaire. Et il va quand même avoir accès aux cours classiques parce que les Pères de Sainte-Croix vont ouvrir dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve ce qu'il va appeler l'externat Sainte-Croix, qui est aujourd'hui le collège de Maisonneuve. L'idée, c'est de donner accès aux jeunes hommes de l'Est de Montréal aux cours classiques. Ouais. Alors, Duceppe va profiter de ça. Il ne terminera pas son cours classique, mais au contact donc des ecclésiastiques, il va être en contact aussi avec le théâtre. C'est là qui goûte pour la première fois à la scène. Donc, à l'adolescence, vers quoi, 15 ans, il commence à son initiation au théâtre, ça se passe à peu près à ce moment-là. Et puis, il fait ses débuts sur scène au début des années 40. À quoi ça ressemble le début de sa carrière, Alexandre Cadieux? Ben, c'est un beau paradoxe. Il travaille beaucoup, mais il travaille parce qu'il est prêt à travailler. On voit qu'à ce moment-là, il n'a aucun orgueil. Donc, il attend, il va à ses KAC et il attend dans le corridor, au cas où on aurait un comédien à remplacer dans un radio-feuilleton. Il fait de la figuration au Théâtre Arcade, qui est aujourd'hui Télémétropole, donc sur Sainte-Catherine. Donc, ça ne lui dérange pas de juste ouvrir la porte, fermer la porte. Au moins, il joue au théâtre. Il va aller chanter aux variétés lyriques. Il va partir en tournée dans des conditions épouvantables partout en province. Donc, il travaille, mais il réussit à s'imposer nulle part. Ouais. Sinon, peut-être au Théâtre Arcade à une certaine époque où il va avoir des rôles un peu plus substantiels. Mais il travaille énormément, mais par exemple, on l'admet pas aux Compagnons de Saint-Laurent, qui est une des grandes troupes de l'époque. Ouais. Le père Émile Legault le trouve un peu vulgaire, donc le prend un temps, puis il le fait même pas jouer, il lui fait peinturer sa grange, finit par le jeter dehors parce qu'il raconte des blagues salaces. Même chose au Théâtre du Nouveau Monde qui ouvre en 51. C'est ses amis, mais pourtant, à cause entre autres de ses limitations, ce qu'on considère comme des limitations de comédien, il réussit pas à s'imposer. Ouais. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hey, elle vous a fait demander pour notre tuyauterie, hein? Vous la connaissez bien? Là? Mm-hmm. Non, c'est la fille de mon patron. Non. Et les ploufs ont marqué dès le début. C'était le premier, les autres ont suivi. Mais les ploufs, on a un plaisir fou parce que la province semblait arrêter de vivre le mercredi pour voir les ploufs. Il était question que des ploufs sur la rue. On était devenus dans notre petit monde à nous à Montréal. Était devenus comme dans le grand monde d'Hollywood. J'entends des idoles. On vous dirait des idoles à bon marché, mais des idoles quand même. Mais Genève, Valcourt, Maman Plouf, Papa Plouf, c'était arrêté sur la rue. Et même moi, dans la scène d'abri. Vous vous adonnez bien avec elle? Hé, hey, vous là, la femme de Nézem. T'as pas pensé que ça fait de même, vous, Ramona? Pardon, je m'appelle pas Ramona. Je m'appelle Irène. Jean Duceppe en entrevue à l'émission Première page en 1979. C'est quand arrive la télévision que la carrière de Jean Duceppe va vraiment décoller. Vous disiez, Alexandre Cadieux, au début, il est partout, mais il s'impose nulle part. Là, il s'impose, entre autres, avec ce rôle de Stan Labrie. Mais ça, c'est pour lui, ce rôle dans La famille Plouffe, le début d'une carrière importante. Il devient une vedette, là, à ce moment-là. C'est énorme. On le disait bien dans l'extrait. Je veux dire, les Plouffes, dans les années 50, c'est presque une religion d'État. Hein? Comme la province arrête de vivre pour s'asseoir devant le téléviseur. C'est drôle parce que Duceppe, à la radio, jouait Guillaume Plouffe, qui est le beau sportif. Et quand on passe à la télé, il se fait dire, ben, t'as pas le physique de l'emploi, parce qu'il a déjà une silhouette un peu bonhomme, ouais. Ou en tout cas. Et Lemelin, devant son chagrin, lui dit, je vais t'écrire un rôle, je vais créer un autre personnage. Et c'est Stan Labrie, le beau-frère... blagueur, etc. Et avant la fin de la première saison, ça fait de Duceppe une immense vedette. Ouais. En 56, il gagne le prix, bon, Monsieur Télévision ou l'équivalent des prix artistes de l'époque. C'est le début d'une longue... Il y aura plein d'autres rôles importants pour lui à la télévision ensuite. Et après, il va jouer... Dans les années 60-70, il va jouer dans Rue des Pignons, hein, qui est quand même 11 saisons de téléroman, Terre humaine. Début des années 60, il va jouer dans De 9 à 5, qui est le téléroman de Marcel Dubé. Donc là, il fait le patron d'un bureau assez autoritaire pendant 4 saisons. Il va animer des talk shows, des quiz. Il va être omniprésent, ouais, sur les ondes. Omniprésent à la télé, peut-être plus encore, si c'est possible, mais c'est un hyperactif. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Jean Duceppe. Plus encore, probablement, à la radio. C'est là où il va s'illustrer comme animateur, en tout cas. Et ça commence dès le milieu des années 50. Quel genre d'animateur est-il? On l'écoute en parler lui-même à l'émission L'Hebdomadaire en 1980. Je fais de la radio d'attaque parce que je suis Québécois, je suis très Québécois. Et j'étais... Depuis longtemps, je suis Québécois. Ça n'a aucun rapport avec la politique. Je suis dans mon âme québécoise. Et je trouvais que les Canadiens français... J'ai toujours dit mes batailles contre Saint-Jean-Baptiste, ça, la vieille gang. J'ai toujours dit que si les Canadiens français donnaient à ceux responsables de leurs embêtements des coupures derrière, ils ne pourraient plus s'asseoir. Parce que c'est nous autres. Pendant des années, c'était la faute des Anglais, la faute des Juifs, la faute des Français. La faute de tout le monde, c'est fait notre faute à nous autres. Et je donnais comme exemple à la radio, c'était gros, coup de je donnais Maurice Richard. Je disais, il ne patine pas comme Goléard, il lance pas comme Goléard, c'est pas facile comme Goléard, mais il compte. Parce qu'il veut, puis il va jusqu'au bout de son effort. Alors, quand vous irez au bout de votre effort, et j'ai des lettres chez moi d'avocats. Il y a un avocat qui m'a écrit une lettre merveilleuse. Il est devenu avocat à cause de moi, parce qu'il était à l'université, puis je l'ai mis tellement en maudit un matin en disant, je disais, bonjour les paresseux, bonjour les Canadiens français. Je commençais comme ça, les téléphones rentraient, c'était pas possible. Lui, ça l'a mis en maudit, puis il s'est dit, ben, je vais y prouver que je vais le faire. Puis il m'a dit qu'il n'y avait pas un téléphone, le journal, il n'a pas pu avoir la ligne. Puis il ressent en maudit de même toute l'année, puis il est passé, puis il dit, je suis avocat grâce à vous. Et c'était un bon avocat. À tous les jours, je provoquais les Canadiens français, et surtout les Montréalais surtout. Comme ça, c'est cassé. Et je pense que c'était bon. C'était une période où c'était nécessaire de dire qu'il faut aller au bout de son effort. Parce que je m'apercevais qu'à chaque fois qu'un gars, un Canadien français, un homme d'affaires ou un joueur ou un comédien ou un docteur allait au bout de son effort, il réussissait. Et ça me choquait de voir un tel gars qui se contentait de... Que dire de Duceppe, l'animateur de radio, Alexandre Cadieux? Ben, c'est un verbomoteur. Ouais. Il est intarissable et sa radio d'attaque... Je pense qu'un de ses grands interlocuteurs, ça a été le maire Drapeau. Donc, il se prenait un malin plaisir à enquiquiner le maire Drapeau, à contester les décisions, revenir sur des déclarations, parfois l'appeler au téléphone. Parfois, c'est Drapeau qui appelait pour réagir. Donc là, vous aviez comme ça un dialogue là, des interlocuteurs comme ça. Et oui, cette idée de réveiller, ouais, cette idée de dénoncer une certaine apathie. On va parler de Marcel Dubé tantôt. C'était un peu le même combat. Puis c'est pré-nationaliste ou en tout cas pré-indépendantiste, ouais, comme idée. Ça va s'incarner là-dedans, bien sûr, mais oui, il y avait cette idée de réveiller, que les gens sortent un peu de leur coco. Réveiller, déranger à un point tel que qu'est-ce qui appartient à l'ordre de la légende urbaine, mais en tout cas, combien de fois sera-t-il remercié, mais on sait que c'est de nombreuses fois. Parce qu'il dérange trop, en fait. Oui, donc, évidemment, il y a encore à ce moment-là, surtout dans les radios commerciales, il y a encore un certain nombre de liens, bon, entre les annonceurs et les postes. Et là, ben, à déranger comme ça, il y a des plaintes Donc, souvent, on lui retire son micro. Ouais. Et quelques mois plus tard, il se renégocie un autre contrat. On va le chercher. Il y a beaucoup de plaintes. Parce que c'est une bête de radio. On le veut à l'antenne. Ben oui. Puis ouais. Bon, les auditeurs, les auditrices le réclament. 59, c'est évidemment la grève des réalisateurs de Radio-Canada. Jean Duceppe, à ce moment-là, est président de l'Union des artistes. De quelle manière ça va être important pour lui, cette grève-là? Bien, pour plusieurs raisons. Alors, il est vraiment au front, hein, avec, entre autres, Jean-Louis Roux, dont on parlait tantôt, qui est président de la Société des auteurs à ce moment-là. Il va militer, il va aller sur les lignes de piquetage, il va mener l'Union des artistes à être solidaire des réalisateurs de Radio-Canada. Il va participer aux différents spectacles de financement et de soutien. Il va croiser un certain René Lévesque, ouais, journaliste à l'époque, aussi impliqué dans la grève. Son nationalisme va... Déjà, il est là, mais c'est important, cette rencontre-là, pour lui. Tout à fait. Début des années 60, donc juste après cette grève-là, vous parliez un petit peu du fait qu'il est... il est pas tenable, il est partout, il est vraiment hyperactif. Et le début des années 60, l'année 62, Alexandre Cadieu, en quelques chiffres, nous donne une idée de cette hyperactivité. Ben, il est... il joue dans plus d'une dizaine de productions. Il est dans tous les téléthéâtres, ou à peu près. Donc, c'est encore l'époque des grandes traditions des téléthéâtres à Radio-Canada. Il joue au Rideau Vert. Il joue... il est vraiment... Trois émissions quotidiennes, assez cassées. Voilà. Et c'est là aussi où cette hyperactivité-là va commencer à le rattraper. Notamment, il va apprendre à un certain moment qu'il a le diabète. Et malgré les conseils de ses médecins de ralentir, ben il le fera pas. Et veut pas, ça va faire aussi qu'il va un petit peu vieillir prématurément. Ouais. Bon, très rapidement, il va grisonner, il va blanchir. Déjà que son casting faisait de lui un papa, ben ça va se confirmer là, dans, ouais, cette transformation-là physique. 71, c'est une autre année charnière importante. Il travaille beaucoup dès, on parlait de l'année 62. 71, c'est hallucinant. Claude Jutras, ce chef-d'œuvre de Claude Jutras, c'est lui qui incarne mon oncle Antoine au cinéma. L'inoubliable téléthéâtre des souris et des hommes. Ça, c'est deux grands rôles pour lui. Oui. Une même année. Il y en a même un troisième cette année-là. Il va jouer Duplessis dans Charbonneau et le chef. Oui. Duceppe n'a pas fait énormément de cinéma, comparativement peut-être à d'autres acteurs, mais mon oncle Antoine, bon, c'est encore cité aujourd'hui comme un des plus grands films canadiens de l'histoire. Duceppe va gagner un prix, l'équivalent de l'époque de prix écran canadien pour le meilleur acteur. C'est un film qui va voyager aussi un petit peu à l'étranger. C'est un très grand rôle, c'est un très grand film, à la fois émouvant, symboliquement, c'est très, très fort, et Duceppe incarne ça. Des souris et des hommes... Puis, juste après aussi La mort d'un commis voyageur, ben, c'est aussi cette parenté d'esprit avec la dramaturgie américaine. Serge Turgeon en parlait. Duceppe s'est toujours senti beaucoup plus proche d'une sensibilité américaine qu'européenne, sur le plan, entre autres, de la dramaturgie. Et le rôle de Miller, il va le jouer à peu près toute sa vie. C'est-à-dire, ouais, que le commis voyageur, il va le faire à la télé dans les années 60, il va le faire sur la scène dans les années 70, il va le refaire sur la scène dans les années 80. C'est vraiment un personnage qui lui colle à la peau. Et ce personnage-là, est... en fait, c'est ce rôle-là dans le commis voyageur qui va conduire, tellement ce rôle est important pour lui, qui va conduire à la création de ce théâtre, de la compagnie Jean Duceppe. Oui, avec son rôle, son incarnation de Maurice Duplessis, dans Charbonneau et le chef de John Thomas McDonough. Donc, c'est deux pièces qui sont créées au Théâtre du Trident, à Québec, qui est une compagnie qui est alors toute jeune. Les deux productions remportent beaucoup de succès. Et Duceppe dit à la direction du Trident, ben, il faut les jouer à Montréal. Ces productions-là, elles sont fortes. Le public montréalais, il y a un bassin pour profiter de ces productions-là. Et comme le Trident est frileux, parce que justement, la compagnie est jeune, c'est un risque financier, il va dire, ben voilà, moi j'y vais. Je fonde ma compagnie, je lui donne mon nom. Le patron est garant de la qualité, mmh, des spectacles. On n'a pas d'autres compagnies au Québec où le patron a mis son nom, hein, sur la marquise, ouais, comme ça. Et s'installe à la Place des Arts, ce qui était à l'époque le Théâtre Port-Royal. Et ces deux productions-là, la compagnie naît avec des succès qui va tourner partout, mais c'est des centaines de représentations, ouais, pour les deux productions. Avec une vision, Serge Turgeon l'évoquait au tout début de l'émission, mais cette volonté d'offrir un théâtre populaire, de faire un théâtre populaire. Oui. Accessible au plus grand nombre. Accessible aux hommes aussi. Ça a toujours été un de ses combats. Donc, dire, bon, ben changer la mentalité que le théâtre intéresse seulement les femmes. Donc, proposer des œuvres, proposer des rôles aussi qui peuvent toucher un public un peu plus masculin. le proposer au plus grand nombre, des tournées, ça, c'est quelque chose qu'il a toujours habité et qu'il a souvent tâché de mettre en œuvre avec des succès pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, cette fois-là, dans les débuts de la compagnie Jean Duceppe, là, ça fonctionne. Et cette parenté-là, encore avec la dramaturgie américaine, va beaucoup faire traduire des pièces qui viennent des États-Unis. Un petit mot, on l'a rapidement évoqué, Marcel Dubé, mais un petit mot là-dessus quand même sur cette collaboration, parce que quand on parle des grands rôles de Jean Duceppe, on ne peut pas passer à côté des nombreux grands rôles que va lui offrir Marcel Dubé. À quoi ça ressemble, cette relation entre eux deux? De quelle manière l'un et l'autre contribuent au succès et à la carrière de l'autre, au fond? Ils commencent en 1953 ensemble sur Zone. Quand Dubé crée Zone, il est allé chercher Duceppe pour incarner un des policiers là-dedans. Et pendant 15 ans, donc de 1953 à 1968 à peu près, c'est 25 productions, soit à la scène ou à la télévision, qui les unit. Ils ont à peu près les mêmes origines, disons, sociales. Ils viennent de classes populaires. Ils sont habités tous les deux par les mêmes formes d'idéaux. Et dans le théâtre et dans la télévision de Marcel Dubé, Duceppe va être le père, toujours. Dans les années 50, c'est le père qui peine à subvenir aux besoins de sa famille. C'est le père qui n'est pas capable de jouer son rôle de pourvoyeur, soit qu'il y a eu la crise économique, soit qu'il y a le chômage ou tout ça. Et dans les années 60, quand Dubé passe dans sa période qu'on appelle souvent bourgeoise, donc bilan, les beaux dimanches, là, Duceppe fait le père qui a réussi matériellement et qui ne comprend pas que l'épouse, les enfants rejettent son autorité quand même. Parce que là, il y a une espèce de pauvreté morale. Hein? Le père est incapable d'incarner des valeurs de renouveau, des valeurs de liberté. Donc, le père est encore en crise. On revient à ce qu'on disait au début, un Duceppe dans lequel les Québécois se reconnaissaient, un Duceppe en fusion dans ses rôles que lui offre Marcel Dubé, en fusion avec son temps. On voit par ses rôles l'évolution du Québec. 2002, Télé-Québec présente une télésérie consacrée à Jean Duceppe. On parlera pas de la télésérie comme telle, mais ça veut dire quelque chose qu'on consacre une télésérie à Jean Duceppe. Ça nous amène à parler de son héritage, en quelques mots. Qu'est-ce qui reste de Jean Duceppe aujourd'hui? Ben, Duceppe est un des deux seuls acteurs québécois à qui on a consacré un hommage posthume comme ça, l'autre étant Olivier Guimond. Hein. On a beaucoup de chanteurs, chanteuses, groupes. Sur le plan des acteurs, on n'en a eu que deux à qui on a consacré comme ça. La compagnie existe encore, hein, mais ce n'est plus la compagnie Jean Duceppe. Maintenant, elle s'affiche comme Duceppe, puisqu'il y a eu une génération après la génération de ses enfants, évidemment, ses filles notamment, qui ont tenu la compagnie à bout de bras. Et maintenant, c'est même ses petits-enfants et une nouvelle génération d'acteurs, de metteurs en scène qui animent ça, qui font vivre ce nom-là, qui fait que le nom, on l'entend encore dans l'espace public, mais si on entend encore le nom dans l'espace public, c'est aussi à cause de Gilles Duceppe, bien sûr. Donc le prénom, c'est un peu effacé, peut-être. Peut-être. Ouais. Alexandre Cadieux, ancien critique de théâtre au devoir, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.